إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد. Continue la lecture, la traduction du livre Taysir, du livre Taysir al-Karim al-Rahman du Cheikh Abdul Rahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala, qui est son exégèse du Coran. Aujourd'hui, on entame le tafsir de Surat Al-Hadid, qui est traduit par Surat Le Fer, qui débute en page 537 du Mus'haf. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwa al-azizul hakim. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. Donc il dit subhanahu wa ta'ala dans les versets 1 à 6 de Surat al-Hadid, selon le sens. Tout ce qui est dans les cieux et la terre glorifie Allah, et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. À lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre. Il fait vivre et il fait mourir. Il est omnipotent. C'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché, et il est omniscient. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis il s'est élevé au-dessus de son trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel et ce qui y monte, et il est avec vous où que vous soyez, et Allah observe parfaitement ce que vous faites. À lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre, et tout est ramené à Allah. Il fait pénétrer la nuit dans le jour et fait pénétrer le jour dans la nuit et il sait parfaitement le contenu des poitrines. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وسعة سلطانه أن جميع ما في السماوات والأرض من الحيوانات الناطقة والصامتة وغيرها والجوامد تسبح بحمد ربها وتنزهه عما لا يليق بجلاله وأنها قانتة لربها منقادة لعزته قد ظهرت فيها آثار حكمته ولهذا قال وهو العزيز الحكيم فهذا فيه بيان عموم افتقار المخلوقات العلوية والسفلية لربها في جميع أحوالها وعموم عزته وقهره للأشياء كلها وعموم حكمته في خلقه وأمره ثم أخبر عن عموم ملكه فقال له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت أي هو الخالق لذلك الرازق المدبر لها بقدرته وهو على كل شيء قدير هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم، قد أحاط علمه بالظواهر والبواطن والسرائر والخفايا والأمور المقدمة والمتأخرة. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله فوق جميع خلقه، يعلم ما يلج في الأرض من حب وحيوان ومطر وغير ذلك، وما يخرج منها من نبات وشجر وحيوان وغير ذلك، وما ينزل من السماء من الملائكة والأقدار والأرزاق، وما يعرج فيها من الملائكة والأرواح والأدعية والأعمال وغير ذلك، وهو معكم أينما كنتم، كقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وهذه المعية معية العلم والاطلاع، ولهذا توعد ووعد على المجازات بالأعمال بقوله والله بما تعملون بصير، أي هو تعالى بصير بما يصدر منكم من الأعمال وما صدرت عنه تلك الأعمال من بر وفجور، فمجازيكم عليها وحافظها عليكم. وكيلجي رحمه الله تعالى، الله سبحانه وتعالى dans ces versets informe de son immensité, de sa majesté et de l'étendue de son pouvoir, subhanahu wa ta'ala, et que l'ensemble de ce qu'il y a dans les cieux et la terre, que ce soit des êtres vivants qui parlent ou qui sont muets ou autres, que ce soit les êtres inertes, que tous proclament et glorifient la louange d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et exemptent Allah de tout ce qui n'est pas conforme à sa majesté, et toutes ces créatures sont obéissantes à leur Seigneur, sont soumises à sa puissance, et de toutes ces créatures apparaissent les signes de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il dit « Wa huwa al-aziz al-hakim » et c'est lui le tout-puissant, le tout-sage. Il y a dans cela montre le besoin de toutes les créatures. Que toutes les créatures, que ce soit des créatures qui vivent dans les cieux ou dans la terre, que toutes ces créatures ont besoin de leur Seigneur dans l'ensemble de leur situation. Ces versets prouvent également l'étendue de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa suprématie sur toute chose, et ces versets montrent la sagesse d'Allah azza wa jal dans sa création et dans ses commandements. Puis Allah azza wa jal informe de la globalité de son royaume et de sa souveraineté. Il dit azza wa jal lahu mulku as-samawati wal ard yuhyi wa yumit, à lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre. C'est-à-dire que c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui a créé les cieux et la terre. C'est lui le pourvoyeur et c'est lui qui les administre par sa capacité absolue, subhanahu wa ta'ala. Huwa al-awwal, c'est lui le premier qui n'a été précédé par rien. C'est le dernier qui ne sera suivi par rien. C'est al-zahir, il n'y a rien au-dessus de lui. Wal-batin, il n'y a rien en dehors de lui. Wa huwa bi kulli shay'in alim, et il est omniscient, subhanahu wa ta'ala. Il est connaisseur, il a la science de toutes choses. Sa science atteint et embrasse les choses apparentes comme les choses cachées, les secrets comme les choses dissimulées. Allah Azza wa Jal sait parfaitement les choses passées comme les choses futures. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en six jours. Le premier jour était le dimanche et le dernier jour était le vendredi. Puis il s'est élevé au-dessus de son trône. Il s'est élevé d'une façon qui est conforme à sa majesté subhanahu wa ta'ala. Il est au-dessus de l'ensemble de ses créatures. Ya'lamu ma yaliju fil ard. Il sait ce qui pénètre dans la terre, comme grain, comme être vivant, comme pluie ou autre. Wa ma yakhruju minha. Et ce qui en sort, comme plantes, arbres et choses vivantes et autres. Wa ma yanzilu min as-sama. Et il sait ce qui descend du ciel, comme ange, comme décret et comme pourvoyance. Wa ma ya'ruju fiha. Et ce qui y monte, c'est-à-dire ce qui monte vers le ciel, comme les anges, les âmes, les invocations, les actes et autres. Wa huwa ma'akum ayna ma kuntum. Et il est avec vous où que vous soyez. Et ceci est similaire à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Mujadala, le verset 7, dans lequel Allah azza wa jal dit selon le sens, pas de najwa. Qu'est-ce que le najwa? On l'avait vu dans le tafsir. C'est la conversation secrète. Pas de najwa entre trois sans qu'il ne soit le quatrième. Qui? Allah azza wa jal. Ni entre cinq sans qu'il ne soit le sixième, ni moins ni plus que cela, sans qu'il ne soit avec eux là où ils se trouvent. Et cette présence est la présence de la science et de l'observation. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'Allah azza wa jal est avec eux par sa science, et Allah azza wa jal les voit et les entend. Quant à Allah azza wa jal, il est établi, il est élevé, afwan, au-dessus de son trône. Et c'est pour cela qu'Allah azza wa jal prévient et promet la rétribution de tous les actes. Lorsqu'il dit « Wallahu bima ta'amaluna basir » Allah voit parfaitement ce que vous faites. C'est-à-dire qu'Allah azza wa jal voit les actes qui émanent de vous et la nature de ces actes, que ce soit des actes bons ou mauvais, et il vous rétribuera selon cela, et Allah Azza wa Jal enregistrera ces actes. ثم قال المؤلف رحمه الله له ملك السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا يتصرف فيهم بما شاءه من أوامره القدرية والشرعية الجارية على الحكمة الربانية وإلى الله ترجع الأمور من الأعمال والعمال فيعرض عليه العباد فيميز الخبيث من الطيب ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل أي يدخل الليل على النهار فيغشيهم الليل بظلامه فيسكنون ويهدؤون ثم يدخل النهار على الليل ثم يدخل النهار على الليل فيزول ما على الأرض من الظلام ويضيء الكون فيتحرك العباد ويقومون إلى مصالحهم ومعايشهم ولا يزال الله يكور الليل على النهار والنهار على الليل ويداول بينهما في الزيادة والنقص والطول والقصر حتى تقوم بذلك الفصول وتستقيم الأزمنة ويحصل من المصالح ما يحصل بذلك فتبارك الله رب العالمين وتعالى الكريم الجواد الذي وتعالى الكريم الجواد الذي أنعم على عباده بالنعم الظاهرة والباطنة وهو عليم بذات الصدور أي بما يكون في صدور العالمين فيوفق من يعلم أنه أهل لذلك ويخذل من يعلم أنه لا يصلح لهدايته. Puis il dit, rahimahullah, la parole d'Allah Azza wa Jal, له ملك السماوات والأرض. À lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre. C'est-à-dire que le royaume, que la création, que les créatures et les serviteurs, tout cela appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah administre toutes ces choses à travers ses commandements, à travers ses commandements célestes et ses commandements juridiques. des commandements qui sont conformes à la sagesse divine d'Allah Azza wa Jal. Puis il dit Azza wa Jal, wa ila Allahi turja'u l'umur, et tout est ramené à Allah. Que ce soit les actes ou bien les acteurs, que ce soit les actes et ceux qui accomplissent les actes, ils seront, c'est-à-dire les serviteurs d'Allah, présentés à lui. Et Allah Azza wa Jal distinguera le bon, le mauvais du bon. Et il rétribuera le bienfaisant par la bienfaisance et il rétribuera le mauvais par une mauvaise chose. Puis il dit Azza wa Jal, selon le sens, il fait pénétrer la nuit dans le jour et fait pénétrer le jour dans la nuit. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal fait entrer la nuit dans le jour. Et ainsi, la nuit les enveloppe par... C'est-à-dire, la nuit enveloppe les créatures d'Allah Azza wa Jal par les ténèbres ou par le noir. Et à travers cette nuit, les créatures d'Allah Azza wa Jal sont sereines et apaisées. Puis Allah Azza wa Jal fait entrer le jour dans la nuit. Ainsi, les ténèbres présentes sur terre se dissipent et la terre s'illumine. C'est alors que ses serviteurs sont en mouvement. Chacun accourt vers ce qui leur est profitable et vers ce qui leur permet de subvenir à leurs besoins. Et Allah Azza wa Jal ne cesse de faire entrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit. Allah Azza wa Jal fait succéder le jour et la nuit en apportant des surplus et en diminuant, en allongeant et en raccourcissant. En augmentant la nuit ou le jour, ou en raccourcissant la nuit et le jour. Et c'est en fonction de l'allongement ou du rétrécissement du jour et de la nuit que les saisons existent. Et c'est par l'alternance des jours et de la nuit, et c'est par l'alternance du jour et de la nuit que le temps est réglé. Et de cela découle de nombreux bénéfices, ainsi que soit exalté Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, qu'il soit glorifié le généreux subhanahu wa ta'ala, celui qui a comblé ses serviteurs de bienfaits apparents et cachés. Wa huwa alimun bi dhati as-sudur, et il connaît parfaitement le contenu des poitrines. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal connaît le contenu des poitrines de l'ensemble des mondes. Et Allah Azza wa Jal facilite à celui qu'Allah Azza wa Jal sait qu'il le mérite, et Allah Azza wa Jal rabaisse celui qui mérite d'être rabaissé. ثم قال تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Il dit subhanahu wa ta'ala dans les versets 7 à 11 de Sourate Al-Hadid, le fer. Croyez en Allah et à son messager, et dépensez de ce dont il vous a donné la lieutenance. Ceux d'entre vous qui croient et dépensent auront une grande récompense. Qu'avez-vous à ne pas croire en Allah alors que le messager vous appelle à croire en votre Seigneur? Allah a déjà pris acte de votre engagement si vous êtes sincère dans votre foi. C'est lui qui fait descendre sur son serviteur des preuves claires afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Assurément, Allah est compatissant envers vous et très miséricordieux. Qu'avez-vous à ne pas dépenser dans le chemin d'Allah, alors que c'est à Allah que revient l'héritage des cieux et de la terre? On ne peut comparer cependant celui d'entre vous qui a donné ses biens et combattu avant la conquête, c'est-à-dire de la Mecque. Ces derniers sont plus hauts en degré que ceux qui ont dépensé et ont combattu après. Or, aux uns et aux autres, Allah a promis la plus belle récompense, et Allah est grand connaisseur de ce que vous faites. Quiconque fait à Allah un prêt sincère, Allah le lui multiplie et il aura une généreuse récompense. قال الشيخ السعدي رحمه الله يأمر تعالى عباده بالإيمان به وبرسوله وبما جاء به وبالنفقة في سبيله من الأموال التي جعلها الله في أيديهم واستخلفهم عليها لينظر كيف يعملون ثم لما أمرهم بذلك رغبهم وحثهم عليه بذكر ما رتب عليه من الثواب فقال فالذين آمنوا منكم وأنفقوا أي جمعوا بين الإيمان بالله ورسوله والنفقة في سبيله لهم أجر كبير أعظمه وأجله رضا ربهم والفوز بدار كرامته وما فيها من النعيم المقيم الذي أعده الله للمؤمنين والمجاهدين ثم ذكر السبب الداعي لهم إلى الإيمان وعدم المانع منه فقال وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين أي وما الذي يمنعكم من الإيمان والحال أن الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل وأكرم داع دعا إلى الله يدعوكم فهذا مما يوجب المبادرة إلى إجابة دعوته والتلبية والإجابة للحق الذي جاء به وقد أخذ عليكم العهد والميثاق بالإيمان إن كنتم مؤمنين ومع ذلك من لطفه وعنايته بكم أنه لم يكتفي بمجرد دعوة الرسول الذي هو أشرف العالم بل أيده بالمعجزات ودلكم على صدق ما جاء به بالآيات البينات فلهذا قال هو الذي ينزل على عبده آيات بينات أي ظاهرات تدل أهل العقول على صدق ما على صدق كل ما جاء به وأنه حق اليقين ليخرجكم بإرسال الرسول إليكم وما أنزله الله على يده من الكتاب والحكمة من الظلمات إلى النور أي من ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم والإيمان وهذا من رحمته بكم ورأفته حيث كان أرحم بعباده من الوالدة بولدها وإن الله بكم لرؤوف رحيم Il dit رحمه الله en expliquant les versets 7 à 9 de Sourate Al-Hadid. Allah Azza wa Jal ordonne à ses serviteurs de croire en lui et de croire en son prophète sallallahu alayhi wa sallam et en ce qu'il a apporté. Et Allah Azza wa Jal ordonne également de dépenser dans son sentier, de dépenser les biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à disposition de ses serviteurs afin qu'ils voient comment ils vont agir. Puis, après qu'Allah Azza wa Jal leur a ordonné de croire en lui, en son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à dépenser dans son sentier, Allah Azza wa Jal a encouragé cela en citant ce qui découle de ses actes comme récompense. Et il dit, Azza wa Jal, فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا ceux parmi vous qui croient et dépensent, c'est-à-dire ceux qui auront réuni entre la croyance à Allah Azza wa Jal et à son prophète, et ceux qui auront dépensé dans son sentier auront une immense récompense. Et la plus grande de ces récompenses est la plus méritoire et la satisfaction de leur Seigneur. Et le fait de gagner la demeure de sa bonté, subhanahu wa ta'ala, ainsi que tout ce que cette demeure, c'est-à-dire le paradis, contient comme bienfaits et délices permanents. Des choses qu'Allah Azza wa Jal a préparées pour les croyants et pour ceux qui auront lutté dans son sentier. Puis Allah subhanahu wa ta'ala cite la cause qui doit les amener à croire en lui subhanahu wa ta'ala et en aucun cas s'abstenir de croire en Allah Azza wa Jal. Lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala selon le sens, qu'avez-vous à ne pas croire en Allah alors que le messager vous appelle à croire en votre Seigneur? Allah a déjà pris acte de votre engagement si vous êtes sincère dans votre foi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous empêche d'avoir la foi? Alors que ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des envoyés, c'est le plus noble de ceux qui ont appelé à Allah, et ce prophète vous appelle. Et ceci doit vous amener à vous empresser à répondre à son appel. Cela doit vous amener à répondre à l'appel de la vérité avec laquelle il est venu. Alors qu'Allah Azza wa Jal a pris acte de votre engagement à croire en lui subhanahu wa ta'ala. Malgré cela, parce qu'Allah Azza wa Jal a pitié de nous, il ne s'est pas contenté, subhanahu wa ta'ala, d'envoyer un prophète seulement, qui est la créature la plus noble, mais Allah Azza wa Jal l'a soutenu par des miracles et a apporté des preuves de la véracité de ce avec quoi il est venu. C'est pour cela qu'il dit, subhanahu wa ta'ala, « هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ » C'est lui qui a fait descendre sur son serviteur, c'est-à-dire sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des preuves évidentes, c'est-à-dire des preuves claires qui prouvent à ceux qui ont une raison de la véracité du message qu'a apporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que cela est une vérité certaine. Liyukhrijakum, afin de vous faire sortir par l'envoi du prophète à vous et par le fait qu'Allah Azza wa Jal ait fait descendre sur lui le livre et la sagesse. Ceci pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière, c'est-à-dire des ténèbres de l'ignorance et de la mécréance vers la lumière de la science et de la foi. Et ceci est de la part d'Allah Azza wa Jal une miséricorde, car Allah subhanahu wa ta'ala est plus miséricordieux envers ses serviteurs qu'une mère ne l'est envers son enfant. Inna Allaha bikum la ra'ufur rahim. Allah est compatissant envers vous et très miséricordieux. ثم قال رحمه الله en expliquant le 10e verset. أي وما الذي يمنعكم من النفقة في سبيل الله وهي طرق الخير كلها ويوجب لكم أن تبخلوا والحال أنه ليس لكم شيء بل لله ميراث السماوات والأرض فجميع الأموال ستنتقل من أيديكم أو تنقلون عنها ثم يعود الملك إلى مالكه تبارك وتعالى، فاغتنموا الإنفاق ما دامت الأموال في أيديكم وانتهزوا الفرصة. ثم ذكر تعالى تفاضل الأعمال بحسب الأحوال والحكمة الإلهية، فقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. المراد بالفتح هنا هو فتح الحديبية، حين جرى من الصلح بين الرسول وبين قريش مما هو أعظم الفتوحات التي حصل بها نشر الإسلام واختلاط المسلمين بالكافرين والدعوة إلى الدين من غير معارض. فدخل الناس من ذلك الوقت في دين الله أفواجا، واعتز الإسلام عزا عظيما. وكان المسلمون قبل هذا الفتح لا يقدرون على الدعوة إلى الدين في غير البقعة التي أسلم أهلها كالمدينة وتوابعها، وكان من أسلم من أهل مكة وغيرها من ديار المشركين يؤذى ويخاف. فلذلك كان من أسلم قبل الفتح وأنفق وقاتل أعظم درجة وأجرا وثوابا ممن لم يسلم ويقاتل وينفق إلا بعد ذلك، كما هو مقتضى الحكمة. ولذلك كان السابقون وفضلاء الصحابة غالبهم أسلم قبل الفتح. ولما كان التفضيل بين الأمور قد يتوهم منه نقص وقدح في المفضول، احترز تعالى من هذا بقوله: وكلا وعد الله الحسنى، أي الذين أسلموا وقاتلوا وأنفقوا من قبل الفتح وبعده كلهم وعده الله الجنة. وهذا يدل على فضل الصحابة كلهم رضي الله عنهم، حيث شهد الله لهم بالإيمان ووعدهم الجنة، والله بما تعملون خبير، فيجازي كلا منكم على ما يعلمه من عمله. ثم حث على النفقة في سبيله، لأن الجهاد متوقف على النفقة فيه وبذل الأموال في التهجز لا في التجهز له. Puis il dit, rahimahullah, en expliquant le 10e verset de Sourate al-Hadid, c'est-à-dire, qu'avez-vous? Qu'est-ce qui vous empêche de dépenser dans le sentier d'Allah, alors que de dépenser dans le sentier d'Allah ne comporte que le bien? Qu'est-ce qui vous empêche de dépenser dans le sentier d'Allah et vous amène à être avare, alors que vous ne possédez rien. Alors qu'en réalité, vous ne possédez rien. Au contraire, à Allah revient l'héritage des cieux et de la terre. Ainsi, l'ensemble des biens se sépareront de vous, ou alors vous serez séparés d'eux. Puis tout ce royaume reviendra à son maître, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, profitez de dépenser de vos biens tant qu'ils sont encore à votre possession, tant qu'ils sont encore en votre possession, et saisissez l'occasion. Puis Allah subhanahu wa ta'ala cite les mérites des actes en fonction des situations. Il dit Azza wa Jal, selon le sens, on ne peut comparer celui d'entre vous qui a donné ses biens et combattu avant la conquête, c'est-à-dire de la Mecque. Ces derniers sont plus hauts en degré que ceux qui ont dépensé et ont combattu après. Il dit Rahimahullah, ce qui est voulu par cela, par la conquête, c'est la conquête de l'Hudaybiyah. C'est ce pacte qui a eu lieu entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Quraysh. Un pacte qui a permis d'ouvrir et de faciliter la propagation de l'islam. C'est après ce pacte que les musulmans ont pu se mélanger aux mécréants, et qu'ainsi l'appel à la religion ait pu se faire sans obstacle. Les gens, à ce moment-là, sont entrés dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala en grand nombre. L'islam s'est renforcé d'une façon immense. Et les musulmans, avant ce pacte, ne pouvaient pas appeler à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala autre que dans cette terre dans laquelle les gens se sont convertis, comme Médine et ses annexes. Et ceux qui s'étaient convertis parmi les gens de la Mecque et autres, et qui vivaient au sein des polythéistes, étaient méprisés et terrorisés. C'est pour cela que ceux qui se sont convertis avant le pacte de l'Hudaybiyah, et ceux qui ont dépensé de leurs biens et ont combattu, ont un degré plus haut et une récompense plus grande que ceux qui se sont convertis, ont combattu et ont dépensé de leurs biens après le pacte de l'Hudaybiyah. Car il est plus facile de se convertir, de combattre et de dépenser de ses biens avant ou après ? Après le pacte qu'avant. Donc, on ne peut pas comparer la récompense de ceux qui ont dépensé et combattu dans une situation et dans un environnement difficile avec ceux qui ont combattu et ont dépensé de leurs biens dans un environnement apaisé, serein et en paix. Puis il dit, rahimahullah, et c'est pour cela que les premiers et les méritoires parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plupart se sont convertis avant le pacte de l'Hudaybiyah. Et parce que et parce qu'il y a ces différents degrés, et parce qu'il y a ces différents degrés, l'on pourrait penser que ceux qui se sont convertis après, que cela est un manque ou que cela est un reproche. Parce que cela pouvait être pensé, Allah Azza wa Jal s'est défendu de cela en disant « وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى » Or, aux uns et aux autres, certes, Allah a promis la plus belle récompense. C'est-à-dire, à ceux qui se sont convertis, ont combattu et ont dépensé de leurs biens avant le pacte comme après, à tous, Allah subhanahu wa ta'ala a promis le paradis. Et cela prouve le mérite des compagnons, radiyallahu anhum, de tous les compagnons. Car Allah, subhanahu wa ta'ala, a attesté de leur foi et leur a promis le paradis. Wallahu bima ta'amaluna khabir. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites et il rétribuera chacun selon ce qu'il sait de ses œuvres. Puis Allah, subhanahu wa ta'ala, encourage à dépenser dans son sentier, car la lutte dans le sentier d'Allah Azza wa Jal dépend de la dépense, car comme vous le savez, vous connaissez tous, l'argent c'est quoi? C'est le nerf de la guerre. Pour combattre, il faut des combattants, et les combattants, il faut les armées. Et pour les armées, il faut des moyens. ثم قال رحمه الله فقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وهي النفقة الطيبة التي تكون خالصة لوجه الله موافقة لمرضات الله من مال حلال طيب طيبة بها نفسه وهذا من كرم الله تعالى حيث سماه قرضا والمال ماله والعبد عبده ووعد بالمضاعفة عليه أضعافا كثيرة، وهو الكريم الوهاب، وتلك المضاعفة محلها وموضعها يوم القيامة، يوم كل يتبين فقره ويحتاج إلى أقل شيء من الجزاء الحسن. Puis il dit, rahimahullah, en expliquant le 11e verset, Allah Azzawajal encourage donc à dépenser dans son sentier, car la lutte dans le sentier d'Allah Azzawajal dépend de la dépense qui est faite pour ceci. Il dit Azzawajal, et quiconque fait à Allah un prêt sincère, c'est-à-dire celui qui dépense de façon bonne, une dépense qui est sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, conforme à ce qu'Allah azawajal accepte et agrée, une dépense qui émane de biens licites et bons, et une dépense qui est faite de bon gré. طَيِّبَةً بِهَا بِهِ نَفْسُهُ. Car le prophète a dit « لَا يَحِلُّ مَالُ مْرِئٍ إِلَّا بِهِ que les biens d'une personne ne sont licites que lorsqu'il les donne de bon gré. Ainsi, l'argent que tu prends de quelqu'un qui ne te le donne pas de bon gré est un argent illicite. Puis il dit, rahimahullah, et cela fait partie de la bonté et de la générosité d'Allah azzawajal, car il a appelé cela un prêt sincère. Alors que les biens sont les biens d'Allah et les serviteurs sont les serviteurs d'Allah. Ils donnent de leurs biens et Allah Azzawajal a appelé cela un prêt. Quiconque prête à Allah un prêt sincère, alors que les biens sont les biens d'Allah et les serviteurs sont les serviteurs d'Allah Azzawajal. Et Allah Azzawajal a promis de multiplier la récompense, car il est le généreux et le grand donateur, subhanahu wa ta'ala. Et cette multiplication de la récompense aura lieu le jour du jugement, le jour où chacun se rendra compte de sa pauvreté et de son besoin vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, un jour où chacun aura besoin ne serait-ce que de la plus petite des récompenses. ثم قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. Puis il dit, subhanahu wa ta'ala, dans les versets 12 à 15 de sourate Al-Hadid, selon le sens. Le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux et à leur droite, on leur dira, voici une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement, tel est l'énorme succès. Le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui croient, attendez que nous empruntions un peu de votre lumière. Il leur sera dit, revenez en arrière et cherchez de la lumière. C'est alors qu'on élèvera entre eux une muraille ayant une porte dont l'intérieur contient la miséricorde et dont la face apparente a devant elle le châtiment. Les hypocrites diront aux croyants, n'étions-nous pas avec vous dans le bas-monde ? C'est-à-dire dans le bas-monde, si, répondront les autres, mais vous vous êtes laissé tenter, vous avez comploté, c'est-à-dire contre les croyants, vous avez douté et de vains espoirs vous ont trompé jusqu'à ce que vint l'ordre d'Allah. Et le séducteur, c'est-à-dire le diable, vous a trompé au sujet d'Allah. Aujourd'hui donc, on n'acceptera de rançon ni de vous, c'est-à-dire les hypocrites, ni de ceux qui ont mécru. Votre asile est le feu, c'est lui qui est votre compagnon inséparable, et quelle mauvaise destination. قال الشيخ السعدي رحمه الله يقول تعالى مبينا لفضل الإيمان واغتباط أهله به يوم القيامة يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم أي إذا كان يوم القيامة وكورت الشمس وخسف القمر وصار الناس في الظلمة ونصب الصراط على متن جهنم فحينئذ ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم فيمشون بإيمانهم ونورهم في ذلك الموقف الهائل الصعب كل على قدر إيمانه ويبشرون عنه عند ذلك بأعظم بشارة فيقال بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم فلله ما أحلى هذه البشارة بقلوبهم وألذها لنفوسهم حيث حصل لهم كل مطلوب محبوب ونجوا من كل شر ومرهوب فإذا رأى المنافقون نور المؤمنين يمشون به وهم قد طفئ نورهم وبقوا في الظلمات حائرين قالوا للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم أي أمهلونا لننال من نوركم ما نمشي به لننجو من العذاب فقيل لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا أي إن كان ذلك ممكنا والحال أن ذلك غير ممكن بل هو من المحالات فضرب بين المؤمنين والمنافقين بسور أي حائط منيع وحصن حصين له باب باطنه فيه الرحمة وهو الذي يلي المؤمنين وظاهره من قبله العذاب وهو الذي يلي المنافقين فينادي المنافقون المؤمنين فيقولون لهم تضرعا وترحما ألم نكن معكم في الدنيا نقول لا إله إلا الله ونصلي ونصوم ونجاهد ونعمل مثل عملكم قالوا بلى كنتم معنا في الدنيا وعملتم في الظاهر مثل عملنا ولكن أعمالكم أعمال المنافقين من غير إيمان ولا نية صادقة صالحة بل فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم أي شككتم في خبر الله الذي لا يقبل شكا وغرتكم الأماني الباطلة حيث تمنيتم أن تنالوا منال المؤمنين وأنتم غير موقنين حتى جاء أمر الله أي حتى جاءكم الموت وأنتم بتلك الحال الذميمة وغركم بالله الغرور وهو الشيطان الذي زين لكم الكفر والريب فاطمأننتم به ووثقتم بوعده وصدقتم خبره فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا فلو افتديتم بمثل الأرض ذهبا ومثله معه لما تقبل منكم مأواكم النار أي مستقركم هي مولاكم التي تتولاكم وتضمكم إليها وبئس المصير النار قال تعالى وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية il dit رحمه الله en expliquant ces versets 12 à 15 de sourate Al-Hadid il dit رحمه الله le jour du jugement Allah subhanahu wa ta'ala pour montrer le mérite de la foi et de ceux qui sont croyants le jour du jugement, a dit subhanahu wa ta'ala son le sens. Le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux et à leur droite. C'est-à-dire que le jour du jugement, lorsque le soleil sera obscurci, lorsque la lune s'éclipsera, lorsque les gens seront dans les ténèbres, lorsque le pont sera dressé au-dessus de l'enfer, alors à ce moment tu verras les croyants et les croyantes qui avanceront avec de la lumière devant eux et à leur droite. Dans cette position extrêmement difficile et dans cette situation terrifiante, chacun avancera selon le degré de sa foi. Et à ce moment-là, l'on leur annoncera une immense bonne nouvelle. Il leur sera dit, voici une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement, tel est l'énorme succès. Puis il dit, rahimahullah, par Allah, comme est douce cette bonne nouvelle pour les cœurs, et comme cette bonne nouvelle est savourée par les âmes, lorsque ces croyants et ces croyantes obtiendront tout ce qu'ils auront demandé comme chose aimée chez eux, lorsqu'ils seront préservés de tout mal et de toute chose qui est redoutée. Lorsque les hypocrites verront la lumière qui permet aux croyants d'avancer, ces hypocrites qui auront vu leur lumière s'éteindre, ceux qui resteront dans les ténèbres perdues, ils diront aux croyants « Unzuruna naqtabis min nurikum » Attendez que nous empruntions un peu de votre lumière. C'est-à-dire, donnez-nous un délai afin que nous puissions profiter de votre lumière et ainsi marcher derrière afin d'être préservés du châtiment. Il leur sera dit, « Irji'u wara'akum faltamisu nura » Revenez en arrière et cherchez la lumière. C'est-à-dire, si cela est possible. Or, la situation est que cela ne sera pas possible. Au contraire, cela sera même, plus même, cela sera impossible. فَضُرِبَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُنَافِقِينَ Et l'on élèvera entre les croyants et les hypocrites une muraille. C'est-à-dire, un mur séparateur. Une forteresse solide. لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةِ Ayant une porte dont l'intérieur contient la miséricorde, c'est-à-dire le côté qui sera dirigé vers les croyants. Car un mur a deux façades. Et ce mur, Allah Azza wa Jal nous le décrit en ayant une porte. Et une façade sera la miséricorde, contiendra la miséricorde. Et cette façade sera celle qui donnera vers les croyants. وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابِ Et dont la face apparente a devant elle le châtiment. Et c'est la face du mur qui donnera vers les hypocrites. Les hypocrites appelleront alors les croyants et leur diront avec compassion, Alamnakum ma'akum, n'étions-nous pas avec vous, c'est-à-dire dans cette vie d'ici-bas, nous disions la ilaha illallah, nous faisions la prière, nous faisions le jeûne, nous combattions et nous faisions exactement les mêmes actes que vous. Ils diront, c'est-à-dire les croyants, répondront aux hypocrites, ils diront « Si vous étiez avec nous dans cette vie d'ici-bas et vous faisiez en apparence comme nos actes, mais vos actes étaient les actes des hypocrites. Vous n'aviez pas la foi et votre intention n'était pas véridique et bonne. Au contraire, vous vous êtes laissé tenter vous avez comploté. Et vous avez comploté contre les croyants et vous avez douté. C'est-à-dire, vous avez douté sur les informations d'Allah Azza wa Jal, des informations qui n'acceptent en aucun cas de doute. Wa gharratkum al-amani, de vains espoirs vous ont trompé, c'est-à-dire de faux espoirs, lorsque vous avez espéré obtenir ce que obtiennent les croyants alors que vous n'êtes pas croyants. Hatta jaa amrullah, jusqu'à ce que vint l'ordre d'Allah, c'est-à-dire jusqu'à ce que vint la mort et que vous soyez dans cette situation déplorable. Wa gharrakum billahi al-gharur, et le séducteur, c'est-à-dire le diable, vous a trompé au sujet d'Allah, c'est-à-dire le diable qui vous a embelli la mécréance et le doute, et vous avez été apaisé à cela, et vous avez cru en ses promesses, et vous avez considéré vraies ces informations. Puis il dit Azza wa Jal, فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. Aujourd'hui donc, on n'acceptera de rançon ni de vous, c'est-à-dire les hypocrites, ni de ceux qui ont mécru. Même si vous donniez en rançon l'équivalent de la terre en or et le double, eh bien cela ne serait en aucun cas accepté de vous. مَأْوَاكُمْ النَّارُ, votre asile est le feu, c'est-à-dire que c'est votre résidence. Hiya maulakum, c'est-à-dire que ce feu vous attirera vers lui. Wa bi'sal masir, et quelle mauvaise destination, quel enfer. Puis il cite, rahimahullah, les derniers versets de Surat Al-Qari'ah, le fracas, quant à celui dont la balance sera légère. Sa destination est une abîme profonde. Et qui te dira ce que c'est? C'est un feu ardent. Wa naktafi bihadha al-qadr wa subhanaka allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.